Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et oui, en ce mois de février, il fait très très froid, mais bon, ça n'est pas très grave, puisque ce soir, j'ai tout ce qu'il faut pour vous réchauffer le cœur et les oreilles, principalement du métal en fusion, pendant 2 heures, comme toutes les semaines, bien sûr. Donc ce soir, vous aurez 3 nouveautés, et puis bien évidemment, un hommage à Gary Moore, ce très grand guitariste qui nous a quitté maintenant il y a... 12 ans déjà exactement, puisque c'était le 6 février 2011 que ce géant de la guitare était parti vers d'autres cieux. Et puis on va revenir un petit peu sur ce qu'il y a eu ces dernières semaines, et puis en même temps, je vous ai ressorti un petit peu quelques petites choses un petit peu anciennes, voilà. Donc un petit package différent, comme toujours, à chaque fois, des petites surprises. Eh bien, on va commencer tout de suite avec les Fous Furieux de Working Class Heroes, avec leur premier album No Excuses, No Remorses, mélange de métal furieux, un peu de techno, d'indus, enfin, c'est quasiment inclassable, ce No Excuses, No Remorses. Oui, je sais, il y a une belle faute, mais c'est voulu. Allez, ce soir, le morceau qui va décrasser les tympans, c'est Collapse. Ça, c'était un extrait de The Last Sucker, l'album de Ministry sorti en 2007, album dédié à son grand copain qui était le président des États-Unis de l'époque, George W. Bush Jr. Ouais, on se doute qu'il raconte beaucoup de douceur. Juste avant Ministry, les Perpignanais de Working Class Heroes et leur premier album No Excuses, No Remorses, c'était Collapse qui a donc ouvert l'émission ce soir. première des trois nouveautés, bah, tout de suite, maintenant, avec le nouvel album de Not Scientist. Alors, Not Scientist, c'est un groupe qui existe depuis bientôt 10 ans, qui a vu le jour dans la région Rhône-Alpes. C'est, bah, des musiciens de Uncommon from Mars et de No Guts, No Glory, qui ont voulu faire un petit projet parallèle. Alors, on est plutôt dans le genre punk rock mélodique ou rock indé, mais c'est très très bien foutu. C'est leur troisième album en un peu plus de 10 ans. C'est pas énorme, mais enfin bon, la qualité est là. Ce Staring at the Sun est sorti vendredi, comme quoi vous voyez, c'est tout chaud, tout bouillant. Et je vous invite à découvrir tout de suite un des morceaux avec Like Gods We Feast. Elle avait dit supprimer comme on nettoie une tache à la javel. Elle se l'est dit ce matin-là, à la lumière de son humanité salie, qu'elle était née pour galérer, pour ramasser les miettes et les soucis. Elle se l'est dit ce matin-là, que quitte à crever, elle allait mourir fière, qu'elle allait pas finir poussière qu'une victime ou une serpillière. Elle se l'est dit ce matin-là, par toi. Elle se l'est dit ce matin, Elle s'est dit, mais pourquoi est-ce que j'écris mes rêves? Pourquoi j'embrasse tant de fatalité? Pourquoi est-ce que le soleil se lève pour baiser les loges de la rapacité? Pourquoi n'ai-je droit qu'à la brutalité quand on ramasse tout sans jamais se pencher? Pourquoi, bordel, pourquoi? Oh camarade, lève-toi. Dans le ciel, les yeux rougis, qu'elle n'avait plus la force, qu'elle n'avait plus l'envie. Elle se l'est dit ce matin-là, qu'une angoisse fleurissait en elle comme un cancer, qu'elle donnerait tout pour pleurer dans les bras de son père. Elle se l'est dit ce matin-là, elle se l'est dit ce matin. Elle s'est dit, mais pourquoi est-ce que j'écris mes rêves? Pourquoi j'embrasse tant de fatalité? Pourquoi est-ce que le soleil se lève pour cracher sa haine et sa cupidité? Pourquoi n'ai-je droit qu'à la brutalité quand on ramasse sans jamais se pencher? Pourquoi, bordel, pourquoi? Oh camarade, lève-toi. Oh camarade, mon capitaine. Oh camarade, lève-toi. Tu es de l'ombre de toi-même. Souillons l'aile, comme on arrache les racines du mal. Elle se l'est dit ce matin-là, en marchant sous ce ciel de traîne, qu'elle méritait des jours heureux en petit coin de ciel bleu. Elle se l'est dit ce matin-là, que la fin de l'histoire restait encore à écrire, qu'elle allait pas lâcher parce que j'ai décidé de vivre. Elle se l'est dit ce matin-là, dans son désespoir, puisque tu lui arraches ses larmes, que la partie n'est pas encore perdue, qu'il irait jusqu'au bout, qu'elle se lâche pour ses gosses. Avec Camarade X, morceau d'ailleurs qui donne son titre à l'album qui est sorti le 21 octobre dernier, que vous devez commencer à connaître, parce qu'on a passé quand même pas mal d'extraits de cet album. Juste avant, pour la première nouveauté de la soirée, le nouvel album de Not Scientist, Staring at the Sun, et c'était le morceau Like God the Wifeist qu'on a eu ce soir, et ça c'est tout nouveau, tout chaud, puisque c'est sorti vendredi, voilà. Maintenant, faisons un petit bond dans le temps. Allons faire un tour en 1978. Allons retrouver Thin Lizzy, qui à l'époque était au fête de sa gloire et sortait son live mythique Live and Dangerous. Et là, il est sorti depuis fin janvier un superbe coffret de 8 CD, donc regroupant le fameux Live and Dangerous, qui a été compilé à partir de 7 concerts différents. Et sur donc les 7 autres CD qui composent ce coffret, c'est les concerts dans leur quasi-intégralité non retouchés, contrairement au live d'origine. Donc bah, pour ce soir, on va faire un petit tour à Philadelphie en octobre 77. Alors pour les fans, sachez que il y a eu des extraits de concerts de Philadelphie du 20 et du 21 octobre qui étaient sortis en 2009 sur un album live qui s'appelait Still Dangerous, dont on vous avait passé d'ailleurs des extraits à l'époque dans Electric Shock. Et oui, j'étais déjà au taquet en ce qui concerne Thin Lizzy, je suis assez au taquet quand même, je veux reconnaître. Et un album qui était assez court, qui faisait une quarantaine de minutes, d'après le livret, pourtant à l'époque, d'après ce qui était marqué, c'est tout ce qu'ils avaient récupéré des bandes master. Enfin bref, voilà. Enfin, toujours est-il qu'apparemment, la maison de disques de Thin Lizzy a pu retrouver des concerts beaucoup plus complets. Et donc, C'est quand même tant mieux parce qu'on a le concert donc du 20, du 21 dans leur quasi-intégralité. Et ben là pour ce soir, on va se faire un petit morceau qui ne figure pas sur le live mais qui a pourtant bien été enregistré donc dans le cadre de cet album. C'est Soldier of Fortune qui originellement figurait sur l'album Bad Reputation. Donc là, pour la petite histoire, Soldier of Fortune a été enregistré à Philadelphie le 20 octobre 1977. Voilà, ça c'est pour les archivistes qui veulent tout savoir. When will it end? When will it end? And the bells toll for those about to die.

Opium Trail et Soldier of Fortune, donc deux extraits du coffret Live and Dangerous. Alors Soldier of Fortune, lui, a été enregistré à Philadelphie le 20 octobre 1977 et Opium Trail a été enregistré à Toronto le 28 octobre de cette même année 1977. Voilà, vous savez tout pour les deux morceaux de ce soir. Ma très petite Lizzy, on va faire un grand tour dans le Grand Nord, où je vous invite à retrouver Skald, bien que ce soit français, mais ils sont, ce groupe est plutôt emprunt de mythologie nordique, scandinave, enfin bref, avec des instruments traditionnels et chantés en vieux norrois, ça a beaucoup de succès. C'est un nouvel album qui s'appelle Hull du Folk, alors excusez-moi pour la prononciation, qui est sorti le 20 janvier dernier, donc leur deuxième. Et ce soir, on va avoir allez, deux petites douceurs. Im Mikli Dreki d'accord pour commencer et Da Manensken à la suite. Et min armon lokuni ekheitiga vukdir ekangan fadurne mo in sama nevi ek farit anger di tvaina at an lag diskut og vertsida nat in versta ormi og irnu avi fe et min ermon lokuni ek heitiga Eka engan fodur ne modur in sama nevi ek farit Anger dilt vaile at an lag diskut Og vart sidan at in un versta ormi og dirunu avi fe Et mi Tiga vukdir Eka engan fodur ne modur In sama nevi ek farit Anger dilt vaile At an lag diskut Og vart sidan at in un versta ormi Og irunu avi Fafnir ligi fjarbrotum þar fíkel hafi Þú fafnir ligi fjarbrotum þar fíkel hafi fin du voyage au pays des trolls et du Valhalla à l'instant. Donc, Skald est leur deuxième album Hull du Folk avec deux petites douceurs, Damanenskin et Imnikli Dereki. La prononciation, ça reste à désirer hein, pour le vieux norrois. Voilà. Après le Grand Nord, maintenant faisons un petit tour du côté de Toulouse et retrouver Nit et leur premier album qui ce soir vont nous envoyer faire un petit rituel puisque c'est Ritual que je vous invite à découvrir maintenant. Si veut celui-ci veut bien partir, voilà, c'est parti. Petit tour au fin fond de la schizophrénie de la folie avec Nit et leur premier album éponyme, c'était Ritual, et la petite interview, la petite introduction qui s'appelait Interlude, juste avant, qui portait bien son nom. 19h, un peu plus de 45 minutes maintenant sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, vous écoutez bien Electric Shock. Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Faisons maintenant, nous maintenant quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll. Passons au deuxième EP de Balls Out. Donc vous voyez, avec un nom comme ça, déjà on se doute qu'on va parler de poésie. Le volume 2, Hot Mom. Et on va sonner tout de suite Hot Mom avec un pur moment de rock'n'roll. Jean Lee Hooker, eh oui, avec un nom pareil, on pourrait croire que c'est la fille cachée de John Lee Hooker. Non, c'est tout simplement un groupe de New-Yorkaises qui, bon, bah, vraiment sont fans de rock, de blues, hein, comme vous avez pu l'entendre. Et ça, c'était donc Wade in the Water, extrait de leur premier album No Bee, qui était sorti en 2016, un album quasiment composé que de reprises, à l'instar du morceau qu'on a eu ce soir. Leur dernier album est sorti l'année dernière, pour ceux qui s'intéressent. Juste avant Jean Lee Hooker, les Parisiens de Balls Out et leur deuxième EP Hot Mom, c'était tout simplement Hot Mom. Et là, il est maintenant 20h, ça veut dire que la première heure d'Electric Shock est déjà passée. C'est vrai que ça passe très très vite, hein, quand on est en bonne compagnie, qu'on a de la bonne musique. Et on va se faire donc la deuxième nouveauté de la soirée avec un groupe qui est de rock progressif, qui va peut-être vous dire quelque chose si vous êtes de vieux auditeurs, c'est The Tangent. Alors, The Tangent est un groupe de rock progressif, pour la petite histoire, qui existe depuis le début des années 2000, qui a déjà sorti à peu près une douzaine d'albums studio. Et là, fin janvier, nous ont sorti un double live qui s'appelle Pyramid Stars and Other Stories, The Tangents Live Recordings 2004-2017. Voilà tout un programme. Donc, ce double live de The Tangent contient donc la réédition de leur premier live qui s'appelait Pyramid and Stars, qui est maintenant complètement épuisé, donc c'était une façon de le rendre disponible à un prix accessible, c'est qui est intéressant. Et le deuxième, par contre, une compilation de deux concerts enregistrés en 2012 et en 2017. Et The Tangent, si vous vous rappelez, j'avais eu l'occasion de rencontrer deux fois le leader, le chanteur et claviériste Andy Tillison. Ça a été vraiment une des personnes les plus intéressantes que j'ai rencontrées au cours de toutes les interviews que j'ai faites. Donc de ce live, on va se faire un extrait de l'album Not As Good As The Book, qui était sorti en 2008, et un morceau qui s'appelle A Crisis in the Midlife. Progressif dans la transition des 70s, Zit & Junt avec Crisis in Midlife, extrait donc du live Pyramid Stars and Other Stories, Zit & Junt Live Recordings 2004-2017. Et c'était donc la deuxième nouveauté de la soirée. Maintenant, allons refaire un petit tour en Italie et retrouver le groupe de métal symphonique Sleeping Romance et son troisième album We Are All Shadows avec les Ghost Shadows. Thank you. Le groupe parisien Orchis avec The End of Lies, un extrait de son premier EP qui était sorti en 2020. Plus récent, puisque sorti en octobre dernier, les Italiens de Sleeping Romans, c'est leur troisième album We All Our Shadows. C'était le morceau Ghost Shadows. 20h19 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Electric Shock continue toujours. Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Et là, Electric Shock va se muer en Acoustic Shock. Le temps de revenir pour ça à l'album du plus américain des groupes français qui est Highway et leur cinquième album qui s'appelle The Journey. Bon, vous devez commencer à le connaître parce que j'en ai passé depuis plusieurs semaines déjà. Où en fait c'est un album quasiment acoustique comme on va pouvoir s'en rendre compte tout de suite maintenant avec le morceau Freedom. Woke up this morning and did not feel like walking. I just wanna show you the man I really am. Tired of this sham, playing a role I am now eating. So give me a chance to do the things I can. A freedom, freedom in my brain. See my soul right into the core, die for want of rock and roll. Let me live as a free man. Oh. Justin Blue avec le morceau Chou qui donne son nom à son premier album qui est sorti en fin d'année dernière. Et juste avant Justin Blue, c'était Highway et leur album The Journey et le morceau Freedom. Eh bien, fin de la parenthèse Acoustic Shock. Revenons maintenant à Electric Shock. Et bah tiens, parlons de concert. J'ai vu sur les magazines que le groupe Dropkick Murphys allait nous faire deux zéniths cette semaine, donc vendredi 10 et samedi prochain. Donc vraiment deux concerts qui vont vraiment tout déchirer. Si vous avez jamais vu le groupe américain, c'est vraiment un truc à voir, croyez-moi sur parole. Et d'ailleurs, même si le dernier album est un album acoustique, en concert, c'est sûr que il y aura pas que de l'acoustique, ça va être électrique, comme Electric Shock, tout d'ailleurs. Et pour se mettre dans l'ambiance, pour ceux qui auraient déjà leur place ou ceux qui auraient envie d'y aller, on va faire un petit tour du côté du live at Fenway, qui était le CD bonus de l'album Going Out in Style dans la réédition, album sorti en 2011, et on va se faire leur grand classique I'm Shipping Up to Boston. Ça donne qu'une envie, c'est de sortir de la bière et de danser, de faire les fous. Allez. Hey! connu le classique d'AC/DC TNT, repris vraiment de façon couillue, y a pas à dire, par Dropkick Murphys. Et là, juste avant la reprise d'AC/DC, c'était un de leurs classiques, I'm Shipping Up to Boston. Ça, c'est tous deux extraits donc de l'édition, tour édition de l'album Going Out in Style, qui était sorti en 2011 et qui est vraiment une tuerie, comme la plupart des albums de ce groupe américano-irlandais, et qui seront en concert, donc, je vous le disais, vendredi et samedi soir au Zénith à Paris. Excusez du peu quand même. Eh bien, on va se faire la troisième et dernière nouveauté de la soirée avec un truc qui est sorti il y a ça quelques mois, mais que je viens juste de me procurer. C'est le EP de Smith Cousins, Better Days and Night. Alors, Smith Cousins, vous savez, c'est l'association de Adrian Smith, guitariste d'Iron Maiden, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, et de Richie Kotzen, ex-Mr. Big, ex-Poison, et surtout auteur d'une carrière solo de pas mal d'albums. Et les deux sont voisins et sont apparemment copains. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous ont sorti un album très intéressant l'année dernière. Et au mois d'octobre 2021, lors du Disquaire Day, ils avaient ressorti un EP qui s'appelait donc Better Days, qui contenait 4 titres studio. Et celui-ci est ressorti au mois de septembre, fin septembre 2022. En CD, par contre, agrémenté de 5 titres live, si bien que du coup, le EP est devenu un album de 49 minutes, contenant en tout 9 titres. Donc si vous avez aimé le premier album solo, les 4 titres inédits vont vous plaire, plus les titres live, même s'ils n'apportent pas grand-chose, ça nous montre que le groupe est vraiment cohérent sur scène, et voilà. Donc on va se faire un de ces titres studio qui s'appelle « Got a Hold on Me ». Just can't. I thought you were my friend. Tell me where. les excellents Bad Kings et leur premier album Take Me Into Your Kingdom, leur premier The Mirror, et juste avant la dernière nouveauté de la semaine, Smith Kotzen et leur album Better Days and Nights, association de titres studio et live, et là c'était Got Hold on Me. Eh bien, comme je vous le disais en tout début d'émission, on va faire maintenant un hommage à un de mes guitaristes préférés, c'est Gary Moore, qui nous a quittés il y a de ça maintenant, 12 ans. C'était donc le 6 février 2011, qu'à l'âge de 58 ans, le guitariste irlandais donc quittait ce monde. Gary, guitariste qui a tout fait, hein, du jazz rock, du blues, du hard rock, enfin vraiment un mec extrêmement polyvalent. Donc pour ce soir, je nous ai choisi un morceau de son album posthume How Blue Can You Get, qui est sorti en 2021. Album par contre contenant des morceaux enregistrés, on sait pas trop où ni quand malheureusement. Alors est-ce que c'est un album qui devait sortir, qui aurait dû sortir à ce moment-là, je ne sais pas, ou des chutes de studio de l'époque, je ne sais pas non plus. Toujours est-il que cet album très bluesy est vraiment sympa. On va se faire un morceau qui n'apporte pas grand-chose. En fait, c'est un blues classique. Mais bon, joué par Gary Moore, ça donne toujours autre chose. Ça s'appelle tout simplement Living with the Blues, en hommage. Thank you. Superbe blues, hein, Living with the Blues, c'était donc Gary Moore, extrait de son album posthume How Blue Can You Get, sorti en 2021, et ça c'était en hommage à ce grand monsieur de la guitare. Un peu de heavy metal maintenant, et bah tiens, on va revenir à Sins of Shadows et leur deuxième album Imperium, et ce soir ils vont nous faire leur déclaration de guerre, puisque This is War. Forever read, forget the reason. We'll answer. This Is War, extrait de Imperium, le dernier album de Sins of Shadow. Voilà, c'était donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. J'espère vous retrouver aussi nombreux la semaine prochaine avec encore ou genre encore des nouveautés à vous proposer puis des surprises comme chaque semaine. D'ici là, portez-vous bien, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel. Je vous dis à mardi. Salut à tous! Boa noite, são 8 horas, 7 nos Açores. O líder do PSD acusa Augusto Santos Silva de ser o maior apoio político do Chega. Luís Montenegro diz que o presidente da Assembleia da República quer virar o bico ao prego quando sugere que o PSD e o partido de André Ventura